Et devant moi, elle bombe le torse. Je connais la suite, vas-y, prends la porte. Aya, dis-moi pourquoi il force. C'est un parasite, vas-y, lui dehors. Je suis pas dans ton délire, c'est mort. Et j'aime pas ce que tu dis, c'est mauvais. Y'a rien pour toi ici, c'est mort. Je te le répète, ce que tu dis, c'est mauvais. Oublie-moi, j'ai rien à donner. Rien à faire, on s'en fait pas l'étonner. Arrête ça, j'ai rien à donner. Rien à faire, on s'en fait pas l'étonner. Je suis pas dans ton mood, je te le dis gentiment. Une fois, deux fois, non, c'est non. Dans les parages, toxic boy, bon débarras. Oh, j'ai compris, t'es un vice toi.